Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Suite de notre série de 7 semaines consacrée au printemps, car il y a beaucoup de représentations qui se lovent dans l'idée du printemps, cela mérite analyse. 3e épisode, pourquoi parle-t-on de printemps des peuples ? C'est en 1948 que l'historien français d'origine hongroise, François Fechteux, fait paraître un ouvrage qu'il a dirigé sur l'année 1848 dans le monde et singulièrement en Europe. Le sous-titre qu'il donne alors à ce livre anniversaire, c'est « Le printemps des peuples ». Il faut dire que rien n'est comparable en extension aux révolutions de 1848 qui concernent presque toute l'Europe. Bien sûr, il y a dans ces mouvements de 1848 des revendications nationales, mais tout paraît fondu malgré tout dans un désir de liberté aux accents internationalistes. Bien entendu, cette expression « printemps des peuples » utilisée en 1948 parle aussi de cette date même, 1948. C'est le moment où se consolide un nouveau glacis sur une partie de l'Europe, un nouvel empire en quelque sorte, la domination de l'Union soviétique. Le printemps des peuples alors, est-ce le nom d'un souvenir qu'on espère voir éclore à nouveau après, plus tard, quand l'hiver sera terminé ? Analysons ce matin ce désir souvenir, essayons de comprendre quelle sorte de recommencement politique est visé là. Et pour nous aider, travaillons avec les concepts des philosophes Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, qui étaient si attachés à ces moments où les peuples inventent véritablement leur histoire. Bonjour Jean-Claude Caron. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine de l'université Clermont-Auvergne, ancien président de la Société d'histoire de la Révolution de 1848. Vos travaux sont nombreux, ils sont précisés sur notre site. Vous vous intéressez aussi aux noms que les historiens donnent à certaines périodes ou mouvements. Vous avez écrit sur cette notion même de printemps des peuples. Et bonjour Nicolas Poirier. Bonjour. Vous êtes déjà venu souvent, vous êtes philosophe et politiste, docteur de l'université Paris Diderot et professeur de philo en lycée. Vous êtes un des meilleurs spécialistes français des œuvres des philosophes Castoriadis et Lefort. Là encore, nous indiquons vos travaux sur notre site. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Jean-Claude Caron, est-ce que l'expression « printemps des peuples » pour désigner les révolutions de 1848 en Europe existait quand même, ici ou là, dans certains textes du XIXe siècle, je veux dire par là, bien avant que François Fechteux reprenne cette expression en 1948? Alors, avant de vous répondre, ce que je vais faire tout de suite, saluer l'avènement du printemps qui est aujourd'hui. Nous sommes le 20 mars. Et c'est le printemps qui commence, donc la fin de l'hiver et peut-être le début de l'espoir. Pour ce qui concerne votre question, effectivement, l'expression « printemps des peuples », vous avez bien fait de rappeler le nom de François Fechteux, grand historien d'origine hongroise installé en France, qui a popularisé en 1948 une expression qui auparavant n'était quasiment pas utilisée, sauf à dire autre chose. C'est-à-dire, au fond, dans le monde germanique, dans le monde allemand, c'était le sentiment de ce qu'on appelait l'éveil des nationalités. Les peuples allemands ne voulaient faire qu'un, devenir le peuple allemand. Et c'est cette, disons, signification d'un peuple germanique, d'un peuple allemand qui, pendant quelque temps, a été la seule utilisation de l'expression « printemps des peuples ». On en parle un peu quand même. Oui, parce que tout vous, à fait. Vous évoquez, peu après quand même la Révolution française, les représentations autour d'elle, telles qu'elles diffusent notamment, en effet, dans les peuples germaniques. Vous évoquez un certain Allemand, je ne sais pas du tout qui c'est, mais c'est ce qu'il dit qui m'intéresse, dans un journal, en 1792, un certain Campe, je crois, dit à propos de la Révolution que c'était, et que cela peut-être préparait, le printemps de l'intérêt général des peuples. Der Frühling des allgemeinen Völkerwohls. Oui. Donc quand même l'histoire du printemps comme moment de naissance des peuples, au pluriel, elle était un petit peu latente. Alors effectivement, le Völkerfrühling, c'est-à-dire le printemps des peuples en allemand, est une expression qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle avec des gens comme Ludwig Böhm par exemple et d'autres, qui va être reprise par la suite par un ensemble de théoriciens et qui est plutôt liée à l'idée de liberté, voire de fraternité. Mais ce qu'on met sous le tapis, sinon on parlerait du printemps du peuple, c'est plutôt la question de l'égalité, la question sociale. L'expression printemps des peuples est quand même très chargée, très connotée d'un idéal libertaire au sens propre du mot, hein, de propre à la liberté, et fraternitaire. Je suis frappé de voir, mais ça on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission, que alors que vous avez fait déjà vous une série sur la fraternité, le printemps de 1848 réactive l'idée de fraternité comme si c'était au fond une sorte de paravent qui permettait un peu de camoufler la question sociale qui est quand même à fleur aussi à cette époque-là. Alors, en effet, c'est un sujet qui va nous occuper ce matin. Que demandent les peuples quand ils sont à leur printemps ? Des choses sociales, de la libération nationale, peut-être y a-t-il souvent des choses mêlées ? Oui. Nous y reviendrons, mais c'est la métaphore du printemps qui est très intéressante. Tout à fait. Cela suggère aussi que eux-mêmes, lorsqu'ils se révoltent, sont dans leur jeunesse. Ils ont beau être très anciens, ces peuples, soudain, ils sont jeunes ou ils sont redevenus jeunes. Et là, je voudrais interroger le spécialiste de Castoriadis et aussi de Lefort. Est-ce que ça veut dire que dans notre imaginaire politique, qui ressemble finalement à beaucoup de choses qu'on dit, Casto et Lefort, lorsque le moment d'émancipation ou de révolte, au moins le début, suggère une certaine créativité évoquant les hommes et les femmes jeunes. Bon, c'est peut-être aussi un pensif sur la jeunesse, mais ça va bien avec l'idée d'émancipation, de sortie de l'état de tutelle, disait Emmanuel Kant à propos des Lumières. On devient grand, on atteint la majorité politique, c'est ça, Nicolas Poirier ? Oui, alors il y a l'idée de Claude Lefort, c'est l'idée d'invention démocratique. Castoriadis parle plutôt de création. Dans les deux cas, il y a, si vous voulez, la libération d'un imaginaire. C'est-à-dire que les êtres humains ne peuvent pas se contenter de ce qui leur est donné historiquement. Ils ont besoin de transformer leur être social. Et il y a des moments où ça se fait de manière explicite et délibérée. C'est ce que Castoriadis appelle l'auto-institution explicite du social. Bon, Claude Lefort, lui, est plus modeste dans sa formulation. Il parle d'invention démocratique, par exemple à propos de la révolution hongroise de 1956 à Budapest, où les Hongrois se sont révoltés contre le système de domination bureaucratique totalitaire. Là, il y a eu, une poussée d'émancipation, c'est-à-dire que la société a été portée par un double désir de liberté et d'égalité, porté par un désir de lutte contre l'oppression et l'affirmation d'un idéal et d'un projet démocratique qui doit se réaliser ici et maintenant et non pas dans une perspective messianique qui serait la fin de l'histoire dans un temps qui ne serait jamais donné à proprement parler ici et maintenant. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui fréquentez de près ces œuvres, celles de Castoriadis, celles de Lefort, que l'idée d'une jeunesse qui reviendrait au moment où les peuples prennent en main leur destin, invente, puisque c'est pour le coup un verbe et un mot commun à Castoriadis et à Lefort, l'invention démocratique, inventer vraiment son destin, etc. Est-ce que l'idée que là on te redevient jeune, on est vraiment jeune politiquement quand on en est là, c'est pourquoi on pourrait parler de printemps, est-ce que cette métaphore, cette façon de penser, vous la retrouvez sous leur plume ? Alors, peut-être pas le mot jeunesse à proprement parler, mais l'idée de commencement, L'idée de commencement, donc d'institution, est extrêmement présente dans leur œuvre. C'est vrai que chez Lefort, il y a quand même un concept qui est celui de la répétition. Donc, il n'y a jamais de table rase par rapport au passé. Chez Casorelli, c'est la même chose. Il y a une sorte de tension, d'union et de tension, une sorte de dialectique entre l'imaginaire instituant qui crée de nouvelles institutions et l'imaginaire institué qui est transformé par cet imaginaire instituant. Il est vrai aussi qu'ils ont tous les deux été plutôt favorables au mouvement de mai 68, qui était un mouvement de jeunesse, quand même, porté par la jeunesse, même s'il y a eu ils ont pu tous les deux critiquer certains aspects. Donc, il est vrai que la jeunesse est un élément, je pense, quand même assez essentiel de ce mouvement de transformation et de créativité qui est porté par le fait que des générations se renouvellent au moment où elles cherchent à travailler dans la perspective de l'émancipation politique plus générale. Alors, il y a la question de la jeunesse, peut-être souvent présente dans les révolutions, est-ce qu'on peut le dire, Jean-Claude Caron? Oui, alors la révolution comme métaphore, on va dire, d'une nouvelle génération juvénile, chassant la gérontocratie, c'est-à-dire les vieux barbons qui sont au pouvoir pour la remplacer par de nouvelles forces, une nouvelle sève, je dirais presque d'une certaine façon, à ceci près que là encore, on est dans une construction qui dit la jeunesse et qui feint d'ignorer qu'il y a des jeunesses. Et qu'il y a des vieux et donc en 1830, en 1848, on voit une floraison d'iconographie qui monte bras dessous un étudiant, un jeune garde national par exemple et un ouvrier. Parce que on veut promouvoir l'idée qu'il n'y a plus qu'une seule jeunesse, qu'il y a une espèce d'unité sociale qui se fait, qui va être évidemment démentie par les faits. Alors en 1848, vous décrivez cela magistralement, tous les acquis du congrès de Vienne de 1815 tombent en ruine, en tout cas les peuples se révoltent au sein de la confédération germanique qui date du congrès de Vienne, au sein de l'Autriche, puis ça va déborder aussi en Italie, à Venise, à Budapest, à Prague. Donc effectivement, il y a une question qui concerne la saison. Fin février 1848 que ça commence en France, le 12 mars à Vienne, le 3 mars à Budapest, le 11 mars à Prague. Et d'ailleurs, à telle enseigne qu'on dira plus tard, je voudrais que vous me disiez quand on commencera à dire les choses ainsi, qu'il s'agit d'un mouvement de mars et que toute la période antérieure, de 1815 à 1848, se retrouvera qualifié de Vormärz, ce qui en allemand veut dire l'avant-mars. Quand est-ce qu'on s'est mis à parler comme ça? Alors, très vite, assez rapidement, parce qu'il s'agit de reconstruire une histoire qui est en cours, d'une certaine manière. Et là, le rapport au temps diffère suivant les pays. Nous, en France, nous avons toujours l'idée que c'est nous les premiers. Donc, c'est la révolution faux, là, commence en février 48, même si on feint d'oublier que dès janvier 48, il y avait déjà eu des barricades en Italie un peu partout. D'accord. En tout cas, dans certaines parties de l'Italie. Mais nous, on a tendance à considérer que nous sommes les dépositaires permanents du début des révolutions. De l'éveil du printemps. De l'éveil du printemps, effectivement. Les Allemands, pour eux, c'est plutôt le mois de mars qui va jouer un rôle important, aussi bien à Berlin qu'à Vienne, puis vont suivre les Hongrois, les Roumains et d'autres. Il y a des zones blanches. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est presque toute l'Europe, mais il y a des zones blanches. En gros, le Royaume-Uni reste à l'écart. La Russie, sous le joug tsariste, reste à l'écart. La péninsule ibérique n'est pas franchement concernée. Mais le reste de l'Europe, effectivement, entre dans le jeu révolutionnaire avec, comme vous le disiez effectivement, une sorte de mythologie générationnelle. C'est un tournant générationnel. En tout cas, on veut le croire, on veut le dire. Maintenant, aux commandes, ceux qui sont aux commandes ne sont pas forcément des jeunes gens. Et on le dit très tôt, Vormärz, l'avant-mars, la métaphore de Mars pour dire cet ensemble de mouvements révolutionnaires, ça vient très très tôt dans l'histoire. Très très tôt, effectivement, oui. Alors, quand on va construire l'histoire de l'Allemagne, effectivement, on va dire il y a un avant, le Vormärz, et il y a un après. Mais ceux qui vont s'emparer de ça, c'est plutôt les nationalistes allemands dans un deuxième temps, et notamment Bismarck. On y vient aux nationalités. J'ai bien entendu, mais c'est d'abord une question qui concerne vraiment notre sujet de cette semaine. Est-ce qu'effectivement, dans l'histoire, les révolutions ont plutôt lieu au printemps? Il pourrait d'ailleurs y avoir des raisons à cela. Alors, je vous écoute. Si on parle des émeutes frumentaires d'Ancien Régime, on sait que le printemps est une période particulièrement sensible parce qu'on est à ce qu'on appelle l'époque de la soudure. En gros, on récolte l'été. Si la récolte n'est pas bonne, on passe plus ou moins bien l'hiver. Et quand arrive le printemps, il n'y a plus rien. les prix du blé augmentent, la farine devient rare, et donc on a des émeutes. Donc c'est exemple, la disette, voilà, misère qui produit ces émeutes. La révolte des farines en 1775, et même le printemps 1789. S'il y a eu la révolution de juillet avec la prise de la Bastille, c'est parce que le printemps 89 s'avère extrêmement difficile. Mais il y a bien d'autres exemples après. Les émeutes et les révolutions, insurrections printanières ne manquent pas. Ouais. Alors, on peut remonter jusqu'à nos jours, mais la Commune de Paris, par exemple, se déroule en gros de mars à mai, c'est-à-dire en plein printemps. Et on sait tous que la chanson quasiment fétiche qui va incarner la Commune de Paris, c'est « Le temps des cerises ». Qui, par parenthèse, a été écrite 5 ans avant la Commune. Donc, elle n'est pas liée directement par rapport à cela. Donc, ce qu'il faut rappeler encore mai 68. Mais oui, rappelons. Ce qu'il faut rappeler le printemps de Prague. Il y a un temps magnifique, il paraît en 68. Beaucoup d'acteurs disent qu'on ne peut rien comprendre à 68 si on ne pense pas à ce temps incroyable. Alors, c'est un élément, effectivement. Je crois que les gouvernements sont plutôt partisans de la pluie au printemps pour éviter les insurrections. Mais en tout cas, c'est effectivement mai 68 en est. Le printemps de Prague en est également. Et le dernier en date qui a posé d'ailleurs un problème d'interprétation, c'est le printemps arabe de 2011, également, où on a voulu projeter dessus quelque chose qui était encore une notion printanière, on va dire. J'ai quand même l'impression que le printemps de Prague, oui, c'est le printemps, mais ça va se terminer en août. Oui, non, en fait, c'est le printemps, vous avez raison. Est-ce que vous avez cette impression aussi, vous, au fond, la théorie ne marche jamais sans la chair de l'histoire. Je pense que vous, Nicolas Poirier, qui travaillez sur Castoriadis et Lefort, vous le pensez aussi. Et finalement, c'est assez joli de se dire que des événements contingents, le temps qu'il fait, le soleil, le ciel bleu, tout cela peut compter dans l'humeur politique d'un peuple. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu, à côté de l'œuvre, des œuvres. Mais c'est un vrai sujet. En 68, il a fait un temps magnifique. Oui, effectivement. D'ailleurs, Castoriadis disait ironiquement la revue et le groupe Socialisme au Barbarus a été interrompu quelques mois avant. Et Castoriadis disait, il ne se passera plus rien vraiment actuellement d'intéressant politiquement. Et quelques mois après, il dit, de manière complètement contingente, voilà, imprévisible, les étudiants, etc., sont descendus dans la rue. Et ça a été mai 68, donc réveil de la créativité historique qui est portée, en fait, par nulle nécessité historique. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, Claude Lefort n'appréciait pas, par exemple, l'expression « mouvement ouvrier révolutionnaire ». Parce que pour lui, « mouvement » signifiait que c'était porté par une sorte de quasi-nécessité historique. Donc si on veut vraiment penser la liberté des peuples, il faut penser leur surgissement imprévisible, en référence à ce que Lefort appelle l'indétermination. C'est parce que l'histoire est indéterminée que les êtres humains peuvent inventer quelque chose qui n'est pas déjà là. Et il parlera de la brèche, autre métaphore, ce sera même le titre d'un texte sur 68 de Lefort, si je ne me trompe pas. La brèche. La brèche, oui. Et ça, c'est vraiment aussi la glace qui craque, quoi, la fin de l'hiver. Il y a un peu tout cela dans l'idée de la brèche, non ? Oui, il y a l'ouverture d'un devenir historique qui est précisément permis parce que les individus décident, là, par rapport à mai 68, on est dans une période, effectivement, d'autoritarisme, le paternalisme à la De Gaulle, etc., devient effectivement quelque chose d'absolument inacceptable, et ça libère des pans entiers de la créativité démocratique. Alors, ça va être un mouvement porté par la jeunesse, mais qui a débordé quand même simplement le strict cadre d'une révolte étudiante, et qui a essaimé au-delà des germes qui étaient présents dans les années 60. Voilà. Alors, on va maintenant Quoi qu'on puisse penser du contenu du mouvement, en fait. On va rentrer dans les textes et on va revenir à 1848-1849. Je vous propose d'écouter un historien et journaliste, Alexandre Thomas, qui écrit là à propos de ce qu'on a appelé la Prague gris, c'est-à-dire les émeutes, les mouvements révolutionnaires de 1848 à Prague. Je rappelle que Prague, à ce moment-là, n'est pas dans la Confédération germanique du tout, est liée à l'Autriche, et que donc c'est là aussi que prend la lutte pour le respect des nationalités, ce qui nous amènera à la question que vous soulevez depuis le début, Jean-Claude Caron. Est-ce que les enjeux autour du printemps portent sur la nation, ou est-ce plus complexe que cela ? On écoute. Ce fut dans les premiers jours un enchantement de tout le monde, à propos de tout, tel qu'on le remarque d'ordinaire au lendemain des grandes émotions publiques. Ce qui signifie simplement la joie qu'on a de n'en être pas plus malade, et pourrait bien s'appeler la lune de miel des révolutions. L'Autriche ne devait plus marcher désormais qu'à pas de géant. On avait bien sans doute en Bohême l'embarras du prolétariat dans les villes de fabrique et des corvées dans la campagne, mais on remédierait à tout par la fraternité. Ne voyait-on pas maintenant les conseillers de la régence et les membres des plus hautes familles monter la garde et patrouiller par les rues comme les plus obscurs bourgeois ? Tel comte avait déjà libéré ses paysans, tel autre partageait 5000 florins aux pauvres honteux de Prague, à la seule condition de prier pour l'empereur. Un industriel abandonnait à ses ouvriers l'argent qu'il leur avait avancé pendant l'hiver. Les gens de la campagne venaient s'informer à la ville de ce que c'était que la révolution, et les bons citoyens s'appliquaient de leur mieux à les éclairer. En échange de cette nourriture de l'âme, un fermier, croyant qu'on se battait à Prague, faute de vivre, envoyait en pur don jusqu'à 5000 pains. C'était plaisir de regarder les étudiants faire l'exercice sous les ordres de leur tribun militaire. Les gens de lettres, eux-mêmes, cette portion indisciplinée de toute société germanique ou germanisante, les gens de lettres se donnaient la main dans un mutuel esprit de concorde. Ils voulaient se concerter pour publier de petits livres populaires. Enfin, c'était là le plus curieux, la différence des nationalités qui avait engendré tant de sourdes rancunes qui devaient bientôt éclater avec tant d'énergie. Cette ineffaçable division des deux peuples assis sur une même terre semblait tout à coup s'effacer par une merveilleuse entente. Bourgeois et étudiants s'accordaient à réclamer dans leur double pétition la complète égalité des races. Le tchèque et l'allemand ne sont qu'un même corps, criait un allemand en langue tchèque dès la première assemblée du 11 mars. Tous les actes officiels recommandaient cette fraternelle amitié. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Un texte du journaliste et historien Alexandre Thomas, paru donc en 1848 dans la Revue des Deux Mondes pour commenter ce qui se passe à Prague. Alors bien sûr, il y a des revendications nationales, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Jean-Claude Caron, mais ce que ce texte souligne, c'est qu'il y a comme un lien souterrain, invisible, voire visible parfois, entre tous ces peuples qui au même moment ont des revendications nationales, si bien que le national, ça a tendance à diviser, enfin c'est chacun sa lutte, et en réalité, les acteurs du moins ont eu l'impression de quelque chose qui reliait tous les peuples loin de les diviser. Donc peut-être que c'est a posteriori que le nationalisme s'est emparé vraiment de l'expression « printemps des peuples ». Sur le coup, les gens ont vu la chose au-delà de l'enjeu national et nationaliste. Alors, il y a dans ce texte qui est très intéressant parce qu'il cite tous les acteurs possibles qui n'ont pas tous la même opinion, la même option par rapport à ce qu'on appelle révolution. On voit apparaître les bourgeois, les hautes familles, le prolétariat qui est signé comme tel, oui. Les paysans qui sont également aux marges de la ville, les étudiants qui forment une coterie à part, les hommes de lettres, comme il dit également. Donc là, on a vraiment une espèce de florilège de tous les acteurs possibles, mais si tous semblent pousser, j'allais dire, dans le même sens, dans un esprit 48-art, ce texte est vraiment assez significatif de l'esprit de 48, une espèce de fraternité européenne. Oui. On n'est pas loin de, ça rappelait un peu le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe, qu'il proclamera l'année suivante, en 1849, où je pense également au manifeste à l'Europe de Lamartine, qui est paru également en 1848. Mais cet état d'esprit-là, évidemment, est une construction politique. Ah, c'est elle qui est une construction. Qui fait un peu l'impasse, malgré tout, sur des problèmes que ce texte suggère en disant qu'ils vont être résolus. Résolus par quoi ? C'est très clair. Fraternité. Concorde. Fraternelle. Entente fraternelle. C'est-à-dire que on voit bien que là, au fond, ce que nous dit ce texte, c'est une forme de peur, d'inquiétude, voire d'angoisse. Est-ce que tout ça va pouvoir résister longtemps ? Alors, qu'est-ce qui est construction, là ? Le lien quasi international ou européen, ou l'idée de nation ? Oui. Les deux marchent ensemble, en vérité. Mais dans le printemps, il y a les deux. Voilà. L'idée de printemps. Si on s'arrête sur ce texte, tchèques et allemands sont des frères. ne se pose plus aucun problème. Il n'y a plus de langue qui fait différence. On est prêt à aller dans le même sens. Simplement, lorsqu'il va falloir de mettre par écrit, noir sur blanc, ce que va être dans le futur État tchèque, là, les problèmes vont se poser. Parce que l'empereur d'Autriche, qui pour l'instant n'a pas d'autre solution que de partir en exil en attendant que les choses évoluent, il va vouloir garder évidemment l'intégralité de son territoire. Donc, on va avoir un phénomène assez classique et que je dévoile très vite, une radicalisation de la cause de ces nationalités, les Tchèques, les Hongrois, les Roumains, etc., et une radicalisation des pouvoirs en place qui vont vouloir, à toute force, reprendre ce qu'ils considèrent être leur dû. Et ils vont réussir. Et ils vont réussir. Même en France, où pour le coup, ce n'est pas la question de la nation se libérant d'un joug impérial qui est en jeu. Absolument. C'est vraiment la question des libertés et la question sociale en 1848. Absolument. Alors, la France, évidemment, là, pour le coup, on peut le dire, est un petit peu à part, puisqu'en 1848, c'est le seul pays qui se proclame république. Donc là, on est déjà, j'allais dire, une marche au-dessus par rapport à des pays qui, eux, ne demandent pas la république, mais simplement une forme de liberté et de constitution d'un État national. Nous, on en est à l'idée de la République. Sauf que ce mot de République, c'est comme le mot de fraternité et d'autres. Qu'est-ce qu'on met derrière? Il y a les partisans de la République, on va dire, libérale, tricolore d'un côté, et puis les partisans de la République rouge, sociale de l'autre. Tout ça n'étant pas résolu parce que le gouvernement républicain est plutôt modéré et hésite à aller jusqu'au bout d'une démarche, aboutit aux journées de juin. Oui. 1848, qui et sont une Louis guerre Napoléon, civile et une guerre sociale qui va provoquer la mort de plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris. Et puis une sorte de glacis par rapport aux revendications d'origine qui sera donc le Second Empire. Voilà. Alors je propose de faire droit à ce tourment, à cette inquiétude. Hier, dans le deuxième épisode de cette série, nous avons dit que commencer de nouveau n'est jamais dénué d'inquiétude, voire d'angoisse, pour parler comme Kierkegaard, dont nous avons beaucoup parlé. Et cette angoisse, au fond, dans l'expression « printemps des peuples », elle n'est peut-être pas tout à fait effacée. Elle est même... Que va-t-il se passer après? C'est exactement ce que vous dites. A posteriori, on sait aussi à quel point les choses ont mal tourné souvent. Je voudrais, sur ce point, vous faire entendre un texte de Castoriadis, « Ce qu'est la Révolution », un texte de 1987 qu'on peut trouver republié dans le volume au seuil « Une société à la dérive ». Écoutez. Il est utile de dissiper la confusion autour du terme même de révolution. Révolution ne signifie ni guerre civile, ni effusion de sang. La révolution est un changement de certaines institutions centrales de la société par l'activité de la société elle-même. L'auto-transformation explicite de la société, condensée dans un temps bref. La révolution signifie l'entrée de l'essentiel de la communauté dans une phase d'activité politique, c'est-à-dire instituante. L'imaginaire social instituant se met au travail et s'attaque explicitement à la transformation des institutions existantes. Dans la mesure où il rencontre la résistance des anciennes institutions, donc aussi du pouvoir établi, il est compréhensible qu'il s'attaque aux institutions du pouvoir, c'est-à-dire aux institutions politiques au sens étroit. Mais il est dans la nature des choses que ce réveil de l'imaginaire social instituant met en question une foule d'autres dimensions, formellement instituées ou non, de la vie sociale. Et cela est du reste requis, puisque dans la société, tout se tient. Bien entendu, et comme dans toute action humaine, il y a là risque de dérapage. On sait à quelle monstruosité ont pu être conduits de prétendus révolutionnaires, mus par l'illusion de la table rase et la volonté de maîtriser in actu la totalité des manifestations de la vie sociale. On ne transforme pas par des lois et des décrets, encore moins par la terreur, la famille, le langage, la religion des gens. L'altération de ces institutions, si elle doit survenir, appartient à un autre type de travail de la société sur elle-même, un processus qui a ses propres rythmes, sa propre temporalité. De ce processus, la révolution est un nœud, à la fois aboutissement et médiation, pour que l'auto-transformation de la société puisse se poursuivre. Cornelius Castoriadis, lu ici par Carla Michel de notre équipe. Nicolas Poirier, le mouvement instituant, comme il le dit, Castoriadis, est un mouvement qui remet en question l'institué, mais c'est surtout un mouvement profondément incertain. Oui, absolument. Déjà, c'est un mouvement qui n'est pas formalisable au sens des institutions politiques. Il appelle ça, Castoriadis, l'œuvre d'un collectif anonyme instituant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la politique en un sens beaucoup plus large que le politique, le système des institutions qui existent. Même s'il dit dans le texte qu'on vient d'entendre que effectivement un projet et un mouvement révolutionnaire ne peut pas s'empêcher de mettre en question les institutions politiques telles qu'elles existent, puisque c'est à travers elles que s'exprime le pouvoir. Mais il y a, faut restituer ça dans un mouvement plus général de contestation de l'imaginaire tel qu'il est institué, à travers ce que Castoriadis appelle l'infrapouvoir, ou le pouvoir instituant, implicite, qui travaille sur une plus longue durée à la transformation des mœurs. En ce sens, on peut dire que le féminisme est un mouvement révolutionnaire, même si il n'a pas débouché sur la prise de pouvoir par un acteur social qui serait les femmes. Et alors, dans ce cas, de ce point de vue-là, il est totalement incertain que l'on prenne ou non le pouvoir, ou que l'on se contente, entre guillemets, de le contester. Il est impossible de se donner la représentation d'une finalité historique où on pourrait avoir la certitude qu'on a atteint l'état idéal parfait d'une société où la justice aurait enfin été incarnée. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, hein. Mais ça peut être négatif au sens où il peut y avoir des dérapages liés au fait que maintenant, on a atteint la justice, et ceux qui ne comprennent pas que c'est la justice, il faut les réprimer. Alors, la métaphore du printemps des peuples, qui sonne lumière, enthousiasme, est capable, semble-t-il, d'accueillir l'inquiétude. Heinrich Heine, c'est vous qui me l'avez appris, Jean-Claude Caron, en 1842, je crois que c'est dans ce poème-là, « À ta troll », que Heine évoque, je cite, « les gigantesques hannetons du printemps des peuples qui s'avancent, saisis d'une fureur de sauvage ». Les hannetons, c'est au printemps ce qui nous gâche l'ambiance ? Il y a un peu de ça. En fait, les comparaisons animalières sont assez fréquentes pour la Révolution. Ah bon ? On mobilise à la fois, pour désigner l'adversaire, les animaux jugés comme négatifs. Ici, on a le hanneton. Ce à quoi je pourrais vous répliquer par le fait que, par exemple, une des métaphores révolutionnaires qu'utilisent le plus les poètes, c'est l'oiseau. L'oiseau et notamment l'hirondelle. Alors l'hirondelle, dans un sens révolutionnaire. Par exemple, Gaston Couté, qui est un poète libertaire anarchiste, publie dans La Guerre sociale, en 1910, un poème qui s'appelle Les saisons, où il célèbre les hirondelles qui agonisent dans des cages, leurs ailes saignent sous la serre des corbeaux, donc ça c'est l'oiseau négatif. Mais parmi l'azur qui crève enfin les nuages, voici l'avril, voici le printemps, jeune et beau. Et il poursuit, simplement c'est très court, ô gouvernant bourgeois à la poigne cruelle, emprisonnez les gens, faites-en des martyrs, tuez si ça vous plaît toutes les hirondelles, vous n'empêcherez pas le printemps de venir. Évidemment, le sous-texte est proprement révolutionnaire. Le printemps, c'est la révolution, ici. Et donc, on voit bien comment les hannetons auxquels vous faisiez allusion renvoient à d'autres métaphores animalières qui sont utilisées. L'un des principaux, encore une fois, mais cette fois-ci plutôt positif, c'est l'oiseau. Le retour de l'oiseau. Béranger avait déjà publié, le grand poète chansonnier Béranger, également une poésie qui s'appelait Les oiseaux et qui proclamait à peu près la même chose. Il faut laisser rentrer les oiseaux en France, sous-entendu les exilés, ceux qui ont été chassés parce qu'ils ont participé à la Révolution française. Alors, maintenant, je vous propose dans cette émission, qui porte sur l'expression « printemps des peuples » dans le cadre de notre série sur le printemps, de réfléchir aux instrumentalisations de l'expression « printemps des peuples », aux abus éventuellement, et ça commence assez tôt, avec Bismarck, certainement. En 1866, victorieux de la guerre de la Prusse contre l'Autriche, puis victorieux de la France en 1870, il réalise, on le sait, la nouvelle union des peuples allemands, c'est la fondation du deuxième empire, du deuxième Reich allemand en 1871. Et quand il reviendra sur ce processus-là, en 1885, il prononcera un grand discours, Bismarck, devant le Reichstag, et il dira, je cite, « Le printemps des peuples, c'est moi qui l'ai créé en créant l'unité allemande. Soudain, là, Jean-Claude Caron, on parle de toute autre chose que du printemps révolutionnaire, des nationalités et de la question sociale. Oui, oui, alors c'est une récupération comme d'autres l'ont fait avec d'autres mouvements révolutionnaires. Bismarck veut s'inscrire dans une continuité et non pas dans la rupture. Ça, c'est très important pour lui en tant que nationaliste. Et donc, il exprime, comme vous venez de le citer effectivement, l'idée que le printemps des peuples, c'est moi. Autrement dit, c'est mon action qui a permis, et il le répète également, par la guerre, plus que par la révolution, de construire l'État allemand. Pour lui, c'est par le sang et par le fer que se construit une nation, et non par la révolution. Donc le vrai printemps des peuples, c'est celui qu'il a mené, lui, par la guerre, contre l'Autriche, contre la France, contre tous ceux qui étaient désignés comme étant des ennemis de l'unité allemande, d'où une récupération politique de l'idéal du printemps des peuples, qui, de toute façon, à cette époque-là, est tombé en désuétude et ne va guère ressurgir, comme vous l'avez cité en début d'émission, qu'avec le livre de François Fechteux, très intéressant parce qu'on est en 1948 et que là, on a une autre forme de récupération dans un contexte de guerre froide qui joue un rôle évidemment très important. On y vient tout de suite. Avant, il y a quand même une utilisation qui m'a beaucoup intéressée. C'est le moment où la République de Weimar, allemande, donc, va entrer à la SDN, la Société des Nations, en 1926. 1926, le ministre des Affaires étrangères, Gustav Stresemann, va employer l'expression « printemps des peuples » pour l'idée européenne cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est le printemps du peuple allemand qui rentre en Europe, c'est ça ? Oui, et alors, on est dans une époque supposée de réconciliation des peuples après la Première Guerre mondiale, où un certain nombre de chancelleries, en tout cas dans la République de Weimar, et en France aussi à cette époque-là, essayent de réconcilier les ennemis qui étaient ceux de la guerre de 14-18. On sait avec le très peu de succès que ça aura, puisque assez rapidement, la République de Weimar va être balayée. Alors, venons-en maintenant effectivement à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je dis effectivement parce que depuis un moment, vous me rappelez que c'est là qu'on reprend l'expression « printemps des peuples » comme ce qu'on espère voir arriver contre le glacis soviétique. Et la première fois que l'idée semble se réaliser, ce n'est pas un printemps, c'est la révolution en Hongrie en 1956, du 23 octobre au 10 novembre 1956, comme quoi les métaphores n'ont pas toujours besoin d'avoir des échos dans la réalité tout à fait probants. Là, c'est pas du tout le printemps, et pourtant ça va stimuler cette expression de printemps des peuples. Pour Claude Lefort, c'est fondamental, cette révolution, précisément parce que ce n'est pas une révolution nationaliste, pense-t-il, et ce n'est pas une révolution pour réinstaller un système capitaliste ordinaire. On écoute Lefort. La révolution hongroise est l'un de ces événements dont on ne saurait douter qu'il se trouve à jamais gravé dans la mémoire historique. D'elle date la première grande fissure de l'édifice totalitaire, autrement profonde que celle créée par le soulèvement de Berlin-Est en juin 1953, ou bien, trois ans plus tard, par les troubles de Poznan et la grande effervescence de Pologne, dont les résultats, au reste, devaient être dramatiquement modifiés par l'échec des insurgés de Budapest. Les historiens de l'avenir, j'en suis sûr, interrogeront longtemps ces journées d'octobre et de novembre 1956, qui, en dépit de leur dénouement funeste, ébranlèrent le monde. Et de même, les hommes épris de liberté, dont la conviction se nourrit du souvenir des grands épisodes révolutionnaires, si du moins le désir de savoir et le désir de liberté ne sont pas réduits au silence dans les sociétés futures. De fait, la révolution hongroise revêt une portée universelle, parce qu'elle a tenté d'assumer la tâche de détruire le totalitarisme, sans vouloir restaurer ce qui avait fait l'objet de son renversement, cette démocratie bourgeoise. Et, simultanément, parce qu'elle a cherché à détruire la propriété d'État et des moyens de production, sans vouloir restaurer la propriété privée. Toutes les propositions formulées par les conseils ouvriers, de même que les embryons de programmes élaborés au cours de la Révolution, lesquels ont obtenu le soutien de multiples organismes, d'étudiants, d'intellectuels, d'écrivains, de journalistes, témoignent d'un projet sans précédent historique, projet anticapitaliste et antibureaucratique. Ce projet, s'il est le produit de conditions spécifiques, différentes de celles qui règnent en Occident, n'est pourtant pas, en son inspiration dernière, hongrois, ni même un projet révolutionnaire de l'Est. Il condense les leçons d'une expérience historique qui est aussi la nôtre. Il met en cause, par-delà un mode particulier de domination, les fondements de tout système moderne de domination. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Texte de Claude Lefort, extrait de Une autre révolution, un article de 1977 qui a été republié dans son volume intitulé L'invention démocratique chez Fayard en 1981. Votre commentaire, Nicole Poirier, de la manière dont s'exprime Lefort, il n'emploie pas la métaphore du printemps, mais tout y est néanmoins. Oui, oui, absolument. Tout y est dans ce texte. Alors, il y a quand même quelque chose à restituer. On a longtemps eu, à gauche, l'idée que la critique du totalitarisme, ça venait de la droite. Bon, là, on a toute une critique de gauche du totalitarisme, un peu dans la lignée de ce qu'on a appelé le communisme de gauche dans les années juste après la révolution bolchevique, courant qui a été réprimé, notamment le courant conseilliste autogestionnaire, qui a effectivement beaucoup marqué Kassoriadis et Lefort et socialisme ou barbarie. Faut se souvenir également que la révolution d'octobre, Kassoriadis le rappelle, c'est improprement une révolution, c'est un coup d'État mené par le parti bolchevique. Il aurait fallu radicaliser les options les plus démocratiques au sein de la révolution de février 1917. Et c'est quelque chose qui se joue là, c'est une défense d'un socialisme réellement démocratique. Il ne s'agit pas de restaurer l'ancien régime, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de contester un mode de domination bureaucratique qui, en fait, au nom de la démocratie réelle prolétarienne, en fait, opprime le prolétariat. Votre commentaire, dans les autres pays de l'Est et oui, dans les autres pays. Jean-Claude Caron, cette analyse de Lefort est-elle exacte et si c'est le cas, est-ce que on ne voit pas dans la métaphore printanière justement le souci de ne l'utiliser que lorsqu'il y a quelque chose de révolutionnaire, pas juste remettre en place ou remettre en selle, par exemple là, le capitalisme. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas purement nationaliste, sinon ça ne plairait pas autant à Lefort. On retrouve la veine la plus internationaliste de 1848. Oui, alors, c'est une lecture de 56, il y en a d'autres, c'est celle de Lefort, il y en a d'autres effectivement. Lui dit clairement qu'il ne veut pas y voir quelque chose de hongrois, mais quelque chose qui dépasse le cas de la Hongrie pour devenir, au fond, il dit, une expérience historique, qui est aussi la nôtre, dit-il, hein, donc il fait un rapprochement là très intéressant, à ceci près que aujourd'hui, lorsque les Hongrois parlent de 1956 et de 1848, il se réapproprie l'événement 1848 que pendant des décennies le pouvoir communiste en Hongrie avait essayé de réprimer. Les régimes communistes ne pouvaient pas tolérer dans leur état d'esprit qui était internationaliste qu'il y ait des printemps des peuples qui par définition sont des mouvements nationaux que eux accusaient d'être nationalistes. Et en plus, certaines parties de l'histoire de la Hongrie, mais aussi de la Roumanie et d'autres pays, avaient montré parfois une forme de collusion avec le régime de Hitler, etc. Donc, il y avait tout un passif et un passé comme ça qui était un petit peu lourdement reproché. Et puis, printemps 1968, il y a mai 68 en France, et d'ailleurs 68 est une année incroyable en termes de mouvements de révolte dans le monde. Mais en particulier, il se passe quelque chose qui aura droit vraiment à la qualification de printemps et pour longtemps, c'est le printemps de Prague. La Tchécoslovaquie prend un vertigineux virage. L'événement fait sensation. On imagine volontiers un climat de passion. En réalité, le peuple tchèque berce son ennui sur les manèges. Voici déjà 300 jours que ça bouge. Juin 67, révolte au Congrès des écrivains. Septembre, saisie de la Gazette littéraire. Octobre, manifestations étudiantines. Décembre, visite de Léonid Brejnev. 3 janvier, le comité central du Parti communiste exclut Antonin Novotny de ses fonctions de secrétaire général. On lui reproche encore d'avoir favorisé son fils et protégé le général escroc Sejna jusqu'à sa fuite aux États-Unis. Alors là, Jean-Claude Caron, tout est là, tout est en place pour que la métaphore fonctionne. Il y a quand même une dimension nationale, voire peut-être nationaliste dans la révolution de Prague. Ou bien là encore, c'est la suite de la Hongrie. Il y a un souffle, il y a les peuples et pas seulement le peuple tchécoslovaque qui est l'enjeu de ce mouvement du printemps de Prague. La différence avec 56 et Budapest, c'est que 68, que le printemps de Prague, pardon, s'inscrit dans un contexte international, insurrectionnel, qui dépasse et de loin le cas de Prague, mais aussi le cas de l'Europe. On n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a également des mouvements très intéressants aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres lieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit et qui a été saisi à plein bras par une partie de la gauche française en 68. Je rappelle quand même, mais ça c'est connu, que 56 Budapest et 68 Prague ont été les deux tournants à partir desquels beaucoup d'intellectuels communistes en France ont rompu définitivement avec le communisme parce qu'ils en avaient vu les deux illustrations les plus répressives qui soient. Mais le printemps de Prague, effectivement, a laissé des traces profondes parce que la personnalité de Dubček, par exemple, a été très valorisée en France comme acteur de ce printemps. Et puis, il y a eu aussi le martyr par le feu de cet étudiant également, Jan Palach, etc. Donc, il y a eu toute une... Comment dire, si je dis une imagerie, ça paraît presque trivial pour parler de quelqu'un qui s'est suicidé, mais il y a quand même là eu tout un mouvement, on va dire, presque d'empathie pour le printemps de Prague, qui correspondait peut-être à ce que nous, en France, aurions pu, voulu vivre, mais le contexte était évidemment totalement différent. Alors c'est aussi un moment qui, si on garde la métaphore des saisons, va s'accélérer incroyablement. On a l'impression qu'en quelques semaines, il y aura eu le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. L'hiver, c'est ce qui revient dans la nuit du 20 au 21 août 1968 avec l'invasion soviétique, l'entrée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie. Parfois, les métaphores politiques utilisant les saisons permettent d'envisager une durée très très brève où se passe une année. Au fond, c'est ça que parfois la politique accélère. Le calendrier ordinaire n'est peut-être pas suffisant pour parler de politique. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut voir aussi là, c'est que l'idée que le socialisme, le système totalitaire est irréformable de l'intérieur. Effectivement, il y a une accélération de l'histoire. C'est ça aussi la formule de Lefort-Labrèche. Une accélération de l'histoire. Il y a des régimes d'historicité qui ne sont pas les mêmes. On dit souvent que le politique doit avoir une vision à long terme, mais il y a un moment où le temps devient explosif, pour parler comme Walter Benjamin. C'est le moment où la société est aux prises avec elle-même. Voilà. Et ce temps explosif, on les a dans ces épisodes révolutionnaires qui, même s'ils ne débouchent pas sur la transformation de la société au sens d'une prise de pouvoir, contestent durablement l'édifice bureaucratique totalitaire dans le cas du printemps de Prague en 68. Alors maintenant, vous allez me dire, pour finir, Jean-Claude Caron, pourquoi vous n'aimez pas beaucoup la métaphore du printemps arabe. Une chose vous donne raison, en tout cas du point de vue, disons, de l'Europe, c'est que le climat, je ne sais pas, mais du point de vue de l'Europe, ça n'a pas eu lieu au printemps pour beaucoup d'entre elles. Ça a eu lieu, ça a commencé en Tunisie, dans la période de décembre 2010 à janvier 2011. Après un mois de révolte populaire, parfois réprimé dans le sang, le président tunisien Ben Ali a quitté le pouvoir, chassé par la rue. Cet après-midi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le ministère de l'Intérieur avec un message bien précis et un espoir que celui qu'ils appellent le dictateur s'en aille enfin. 90 morts à peu près, il y a eu au moins 1000 blessés, au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. Après plusieurs heures d'affrontement dans le centre-ville de Tunis, la télévision d'État annonce vers 16h15 la dissolution du gouvernement. L'état d'urgence est décrété, l'aéroport passe sous contrôle de l'armée. Deux heures plus tard, nouvelle annonce, historique cette fois. Un homme apparaît au centre de l'écran, le Premier ministre Mohamed Hanouch. Il se déclare le nouveau président de la Tunisie par intérim, la fin d'un règne de 23 ans pour Ben Ali. Et très peu après, commencera une révolution, un mouvement révolutionnaire en Égypte, le regard tourné vers ce qui s'est passé en Tunisie. L'un des points communs sur le plan des symboles, qui est peut-être typique des révolutions arabes, c'est les immolations par le feu. Hein, dans les deux cas, il y en aura 8 au mois de janvier en Égypte. Il y en a eu une très symbolique de Mohamed Bonazizi, ce vendeur de fruits et de légumes, en Tunisie, à l'origine du mouvement. Alors, est-ce que c'est cet imaginaire-là, ces symboles-là, Le fait aussi que ça se passe en plein hiver, pour nous en tout cas, qu'est-ce qui fait, disons, pour vous, qu'on ne peut pas employer le mot de printemps arabe? C'était une erreur, une projection d'occidentaux européens. Disons que ceux qui doivent qualifier les événements, quels qu'ils soient, historiens, journalistes, intellectuels au sens large, etc., font preuve parfois un petit peu de manque d'imagination. Je vous donne deux exemples. Je vais revenir sur celui du printemps arabe. Quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, et donc l'effondrement du système communiste dans l'Europe de l'Est, on a vu ressurgir sous la plume de pas mal de journalistes l'idée de printemps des peuples, qui a été réactualisé. Mmh. C'est le second printemps des peuples, c'est le printemps des peuples de 1989. Ce qui était une façon de voir les choses, qui était un peu une forme de paresse intellectuelle, comme l'a été celle du printemps arabe. Parce que si on parle du printemps arabe, au fond, ce qu'on veut peut-être d'abord voir là-dedans, c'est quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Est-ce que ce sont les mêmes que 1848? Or, on s'aperçoit que ça fonctionne pas tout à fait et que nous avons tendance à projeter une formulation très franco-française ou européenne en quelque sorte sur un mouvement. Il y a une question sociale quand même qui est là. Il y a une question sociale qui est là. Une vraie difficulté, une vraie misère. C'est vrai. Il y a la question des libertés face à des dictatures atroces. Hein, il faut quand même Ben Ali et Moubarak, ce sont des dictatures terribles. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça marche plutôt. Laissons les peuples définir eux-mêmes la nature de leur insurrection. Et ne projetons pas sur eux des formules que eux-mêmes n'ont pas créées ou inventées. Printemps des peuples, c'est les Européens qui se sont inventés cette idée-là. Bon, laissons les Arabes eux-mêmes des différents pays concernés. Ils n'ont pas repris, vous diriez. Ils n'ont pas forcément repris. Ils ont d'autres appellations qu'on a vues d'ailleurs avec l'Algérie récemment, avec le mouvement Iram, je crois, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui a demandé plus d'égalité, de justice, de démocratie. Allez, le dernier mot, court s'il vous plaît, je suis désolée Nicolas Poirier. Est-ce que oui, il faut laisser les peuples se qualifier et qualifier ce qu'ils font? Oui, il y aurait une sorte d'auto-institution et d'auto-qualification. Oui, il faut pas projeter des catégories ethnocentrées. En même temps, il faut voir que ce qui s'est joué en Tunisie, là, en 28 jours, enfin, la chute et le départ de Ben Ali, ça porte quelque chose au-delà de la Tunisie et ça dit quelque chose de l'expérience démocratique actuelle de contestation. Alors aujourd'hui, on est dans une phase de retour à l'autoritarisme, au nationalisme dans les pays d'Europe et peut-être que, sans vouloir évidemment mélanger tous les contextes, il y a toujours une flamme démocratique qui est présente dans les sociétés modernes. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. The Beatles, Revolution, titre de l'été 1968. Pour clore cette discussion sur le printemps des peuples, notion souvent employée pour qualifier des épisodes révolutionnaires. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de la mémoire. Ce matin, il met en contrepoint de la mémoire la notion d'imagination. On l'écoute, c'est le pourquoi du comment. comment distinguer mémoire et imagination ? Au début de son grand livre, paru en 2000 exactement, intitulé « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur, avant d'entamer ce qu'il appelle une navigation dans ces terres qui sont désormais aussi politiques, de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli, avec aussi l'amnistie, le pardon et tout ce qui accompagne ces enjeux dans notre vie collective, Paul Ricoeur part d'une question très très simple et qu'il emprunte à la fois à Aristote dans l'Antiquité et à Bergson dans ses contemporains, à savoir la distinction de la mémoire et de l'imagination. Qu'est-ce qui fait qu'une image qui se présente à notre esprit, par exemple celle, chez Marcel Proust, disons, celle évoquée par une petite madeleine dans un verre de thé d'un village où il était autrefois, qu'est-ce qui fait que cette image n'est justement pas seulement une imagination, n'est pas imaginaire, mais renvoie à un passé réel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a là quelque chose qui distinguerait absolument la mémoire et l'imagination? C'est un enjeu critique, on le voit très bien, y compris pour des raisons politiques. Parce que, comme le dit Ricoeur, reprenant une définition d'Aristote, la mémoire est du passé. La mémoire concerne le passé. La vérité de la mémoire concerne son rapport à un événement qui, objectivement, a eu lieu. Si le souvenir qui surgit dans la mémoire de Marcel Proust, si c'était une fiction, s'il n'y avait pas eu de tasse de thé chez la tante Léonie, alors on pourrait dire, ben oui, c'était fiction, on ne sait pas si Combray a existé, et même dans l'œuvre de littérature, c'est fondamental, car toute la recherche du temps perdu s'appuie sur la vérité de la mémoire, sur la saisie d'un passé réel et même d'un passé absolu, en quelque sorte. Mais comment attester que telle image qui survient dans nos esprits est vraiment du passé et non pas une fiction? Il y a des philosophes comme David Hume qui ont pensé que tout notre esprit est une répétition d'une certaine forme de passé, des sensations que nous avons eues. Par exemple, l'idée du canard vient de toutes mes impressions des canards, et finalement, toutes mes images sont quelque chose comme des répétitions. Et alors, comment maintenir cette distinction fondamentale de la mémoire et de l'imagination, qui est aussi un critère de vérité, qui construit les cadres de notre vie individuelle et de notre histoire collective, au risque sinon, non seulement de l'imagination, mais de la critique et peut-être même de la négation, voire du négationnisme. On vous dira, vous croyez vous souvenir, mais en fait vous imaginez. Vous croyez que c'est vrai, mais en fait vous délirez. Alors, il y a une double attestation tout à fait évidente et nécessaire. C'est ici que la mémoire a besoin de l'histoire, elle a besoin d'une preuve objective, à savoir que l'attestation subjective qui nous dit c'est du passé, qui nous dit cela a eu lieu, qui nous dit j'étais là, qui nous le fait parfois même revivre et répéter, il a besoin d'une preuve objective, il a besoin de documentation. Le passé, c'est aussi la trace objective, comme la trace d'un pas sur du sable ou d'une empreinte d'un seau sur un morceau de cire. Alors, l'attestation subjective peut être parfois indéniable. Ceci, c'est du passé, ce je ne l'ai pas inventé. Doit s'appuyer sur les instruments historiographiques et sur l'attestation collective et objective, au risque parfois de se voir démentir, car nous reconstruisons parfois une partie du passé. Nous croyons avoir vécu quelque chose que nous avons un peu déformé ou parfois complètement réinventé, et il faut admettre le secours de l'objectivité, le secours de la connaissance, non seulement pour la politique, mais pour notre vie, pour notre subjectivité. Merci Jean-Claude Caron et merci Nicolas Poirier. Vous avez été nos invités d'aujourd'hui pour parler de cette expression « Le printemps des peuples ». C'était très éclairant. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel, et le reste de l'équipe, Antoine Ravon, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Lila Bozès et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.